As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Infronaut, Black Brat, Gora, Between the Buried and Me, Sadist, Eska, and more! Salut, Sylvain Latour, de retour pour une 19e édition de Subversion, édition du 29 janvier 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio, en ce vendredi soir. Pour ceux qui nous écoutent live et pour ceux qui nous écoutent en différé, bien, sachez que le plaisir est autant partagé du fait qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir la musique. Music is reversible, but time is not. Ça ne veut pas dire d'écouter la musique à l'envers, mais plutôt de savoir qu'on peut toujours. Il n'est jamais trop tard pour l'apprécier, que ce soit cette musique, sa diffusion ou les propos qui l'entourent. Bref, c'est un plaisir pour moi. Et sachez que même nous, les anticonformistes de la radio ou de d'autres médias quelconques, même des fois si on peut être remis en question dans qu'est-ce qu'on fait, qu'on est à contre-courant, ou je sais pas, je pense à certains médias sociaux, ce que pas pour les considérer comme un baromètre pour l'intérêt porté pour qu'est-ce qu'on fait nécessairement. Je sais pas, force de constater que, bon, par exemple, quelqu'un a des nouvelles pantoufles va générer 139 notifications positives, les likes, là, comparativement, mettons, un podcast un lien vers un podcast musical, 5, 4, 3, 2, 1 et parfois 0 notifications positives, ce qui est totalement absurde. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, et on vit dans un monde où manger une banane peut générer 15 fois plus d'intérêt qu'un aboutissement en création, ce qui est impensable. Mais bon, tout à fait réel. ça me fait dire que nous sommes les anticonformistes de la radio, et nous sommes fiers de l'être. Et on va continuer en ce sens. Ma phrase, ça faisait-tu du sens finalement? Ok. Je devrais peut-être me réécouter, mais. Bon, j'ai pas le temps. Ok. Oui, émission consacrée évidemment aux 15 premières positions des top album de l'année 2015, en fait, c'est la deuxième partie, hein, puisque la semaine dernière, on avait eu les positions 15 à 7, c'est-à-dire les albums de Fear Factory, Ghost, Soulfald, Tyler Dory Trio, Horrendous, Against the Plagues, Killing Joke, Arcturus et Enslaved. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, non, c'est pas vrai, Enslaved, c'est aujourd'hui. C'était pas la semaine passée. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir les 7 premières positions dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, les 7 groupes qui se sont démarqués avec leurs albums respectifs en 2015. Alors, dans le premier bloc, on aura les positions 7, 6 et 5. Bon, je devrais dire 5, 6, 7, là. Puisque je les présente comme suit. On aura Black Breath de Seattle. On aura Intronaut de Los Angeles. Mais d'abord Enslaved, comme je disais, de Bergen, en Norvège. Enslaved qui ont produit cet album In Times, que je pense qu'il y a eu un succès auprès de la critique et des fans et de leur prestation live aussi qui était vraiment pas mal fidèle à leur réputation. D'ailleurs, nous étions avec le Rockmaster Alain Lefebvre et le Docteur Pendragon à ce spectacle au Fofounes Électriques le 20 mars dernier. C'était vraiment un concert, ma foi, très très bon. Un des trois meilleurs concerts que j'ai vu moi en 2015 avec Gorguts et Augury. Ouais, Gorguts c'est au Catacombe et Augury au EV Montréal. Donc allez, on y va avec Enslaved tout de suite, je vous en reparle après ce bloc. On y va avec la pièce titre de l'album In Times. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio.

let me explain something to you, or whoever else is watching this stupid broadcast. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec. Parce que des choses, des choix qui doivent être Last Breath. ne pas confondre avec le groupe de vétérans québécois Last Breath. Black Breath de Seattle. OK, ça va très bien aujourd'hui. Qui ont fait paraître leur Slaves Beyond Death le 25 septembre dernier. C'est un troisième album pour eux. On a entendu la pièce titre, Slaves Beyond Death. On sait Black Breath qui devait être ici à Montréal la semaine prochaine avec Decapitated, mais ils ont été, semble-t-il, exclus du bill pour une raison que j'ignore encore parce que j'ai pas été voir l'information, parce que j'ai pas le temps. Oui, et donc ils ont été remplacés par Unbreakable Hatred à la dernière minute, donc bonne chance à la prochaine fois pour les amateurs de Black Breath. Avant ça, on avait eu ce quatuor de Los Angeles, Intronaut avec Fast Worms, pièce qui ouvre The Direction of Last Things, leur cinquième album paru celui-là le 13 novembre dernier sur Century Media. C'est un album que j'ai bien aimé, celui d'Intronaut. Une belle diversité, production impeccable, une belle gamme de dynamique. Ça peut plaire aux fans de Isis, Mastodon ou encore The Ocean. Bon, à conseiller, cet album d'Intronaut, sixième position quand même dans ce top 15, ce qui n'est pas rien. Avant ça, en septième position, évidemment, c'était Enslave avec la pièce titre de leur album In Times, paru lui le 6 mars 2015. Un 13e album studio pour le groupe qui a été formé en 91. Et en passant, les deux membres fondateurs, Ivar et Grotul, avaient respectivement 13 et 17 ans. Alors, c'est quand même considérable, impressionnant, si on prend en considération là, le cheminement qu'ils ont eu depuis. Formation qui, avec le temps, a contribué de manière brillante à combiner le black metal et la musique progressive avec nombre d'albums imprévisibles. Lorsque j'ai découvert la formation dans les années 90 avec le Frost de 94, j'étais loin de me douter où le groupe allait se rendre dans leur exploration. Le concert d'Enslave au Fouf, comme je disais d'emblée, deux semaines après la sortie de l'album, fut pour moi un des trois meilleurs concerts de l'année, de la dernière année, avec Gorguts au Catacombe et Augury au Heavy Montreal. J'avais-tu d'autres choses à dire sur Enslave? Non, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a dans le prochain bloc? On va entendre deux pièces, les positions 3 et 4, c'est-à-dire cette formation mystérieuse, studio, je dirais, québécoise, puisqu'ils sont fondés, ils sont présentement basés à Montréal, mais on sait qu'ils comprennent des anciens membres de formation issue de la scène métal de Québec, c'est-à-dire Escar, avec leur album Une voûte sans clé. Mais avant ça, on a une autre formation énigmatique, celle-là de l'Italie, Sadist, qui ont fait paraître leur album Aianea sur Scarlet Records, un label de Milan. Le 16 octobre dernier, oui. Enregistré au Nadir Studio par le groupe lui-même. Pour moi, les alliances telles que le métal avec le jazz fusion, telles qu'expérimentées par le passé par des groupes comme Cynic, Agora, Pestilence, Coprophago, Meshuggah, Watchtower, ATS, entre autres, ça a toujours été gagnant. Ayant suivi le groupe depuis leur premier Above the Light en 93, il y a quelque chose d'à la fois moderne et un peu tribal qui m'a toujours plu chez Sadist, outre les idées originales et le musicianship en général du groupe, leur façon propre à eux d'agencer leurs influences, c'est quelque chose que je reconnais avec un grand plaisir à chaque album ou presque depuis leur superbe album Crust de 1997. La musique avant-gardiste de Sadist ne s'adresse pas évidemment à n'importe qui. Notre chroniqueur, j'étais pour dire notre sinistre chroniqueur, oui, Sinistros, Guillaume Gagnon de hurlemort.com, qui a classé d'ailleurs lui aussi l'album quatrième meilleur de 2015, a émis le commentaire qui suit. Ce qui détonne le plus et qui est le plus spectaculaire, ce sont les éléments jazz qui se sont imbriqués solidement dans la majorité des pièces, donnant un côté complètement éclaté et disjoncté au son du groupe. Donc, pour vous en faire une bonne idée, je vous propose la pièce Scavenger and Thief de cet album Aenea. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Escar, formation québécoise, avec cette pièce Heure Violine qui paraît sur l'album Une voûte sans clé, paru en février, du moins sur Bandcamp. Puis par la suite en format physique sur un label italien qui s'appelle Dusktone. Plus ou moins facile à se procurer. Un label qui semble se spécialiser dans le métal avant-garde. Le groupe lui-même, Escar, se définit comme étant Experimental Eclectic Post-Black Metal. Je me demandais justement ce que c'était, du avant-garde métal hallucinogène ou du post-black metal surréaliste. Les trois membres du groupe actuellement sont François Fortin, batteur, Simon C. Bouchard, guitariste, vocaliste, claviériste et autres orchestrations, ainsi que le bassiste Kevin Jones qui ont œuvré dans plusieurs autres formations sporadiquement dans les 10-15 dernières années, dont Spirit of the Forest, Superior Enlightenment, Monarch, Outlager, Towers Darkness, Beneficium, pour ne nommer que ceux-là. Esker a été fondé, Esker, E-S-K-E-R, en 97, justement avec Simon et François. Ça a été un long processus afin de matérialiser tout ça, du fait que les membres étaient aussi occupés dans toutes ces autres formations. La poésie outre-dimensionnelle qui fait office de parole est tout autant que la musique, en fait, elle-même à la fois très planante, intense et condensée, un peu comme si on avait fusionné Alceste, ce groupe français, avec le meilleur d'Arcturus. Toutefois, Escar réussit, à mon avis, là où bien les groupes échouent, c'est-à-dire de créer quelque chose de nouveau, d'intriguant, avec des arrangements qui laissent perplexe. Et en créant un nouveau monde, car il faut dire qu'à l'instar de groupes comme Arcturus, Ulver ou Blood of Snord, Escar nous donne l'impression d'être carrément dans leur propre monde, nous laissant dans le questionnement à savoir comment ils sont-ils parvenus. Un travail énorme selon les dires de Simon, aussi maître d'œuvre des arrangements funèbres et Out of This World du fameux album de Beneficium de Occulta Philosopha et Mesae Tenebrae de 2008, autre groupe de black metal originaire de Québec et qui a vraiment passé sous le radar. Un album dont les compositions sont l'aboutissement de plusieurs années d'évolution. Certaines pièces qui figurent sur leurs trois premiers albums, trois premiers démos, en fait, de 1998 à 2001, ont été réinventées dans la mesure de la direction que le groupe allait prendre. La multitude de couches de clavier viennent évidemment ajouter une toute autre dimension aux anciennes compositions, de même que le jeu de bass fretless et la voix éthérielle de Simon qui sonne un peu comme si on l'avait digitalement ralenti, donnant cet effet hallucinogène, voire même sinistre. Les textes à saveur païenne et patriotique ont laissé place aux thèmes reliés aux méandres de la maladie de l'âme et les drogues et les visions spirituelles qu'elles créent. C'est un album qui aurait pu s'appeler Cryptic Writings, hein? C'est un concept personnel dans toute son allégorie. En tout cas, Escar, que dire d'autre? C'est vraiment à découvrir. Vous pouvez écouter les pièces sur Bandcamp si vous voulez vous payer un trip vraiment spécial, une expérience auditive particulière, je vous le conseille fortement. L'album Une voûte sans clé a pris la troisième position du top 2015 pour plusieurs raisons, dont d'avoir sorti comme ça nulle part et de s'être avéré sans doute une des très grandes surprises cette année. Avant ça, on avait eu... j'ai tellement parlé d'Escar que je me souviens plus que ce qu'il y avait eu avant. Oui, Sadist, évidemment, ce groupe italien avec Scavenger and Thief de l'excellent Aienea, paru cette année. 19h23, vous êtes toujours à l'écoute de Subversion sur Underground Québec. Je vous reviens après cette légère pause avec les positions 2 et 1. On chante, on danse, on rit, on déborde de joie, de vie, d'amour. Assis sur une guitare, je vais au bout du monde, même sur la lune. Gronigo aime jouer avec Chiffoni, ils inventent des histoires très drôles. Professeur de danson dans son atelier, avec Turlusson fait bouger. On chante, on danse, on rit, on déborde de joie, de vie, d'amour. C'est possible. Mais c'était quoi ça encore? Nom de Dieu! Nous sommes des professionnels! Ben Grenigo, ouais. Mais qui voulait se rappeler de cette de Turluçon, cette légendaire boîte aux lettres qui module vers le haut et vers le bas? C'est ce que je veux dire. En fait, pour ceux qui s'en rappellent, vous en rappelez-vous? Grenigo, non, Gorod! Ce groupe français, oui, qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Avec leur album A Maze of Recycled Creeds, paru le 16 octobre dernier sur Listenable. Ça a été produit par le guitariste Mathieu Pascal. Oui, c'est la position numéro 2 dans ce top 15 de 2015. Et d'ailleurs, Guillaume Gagnon, notre ami Sinistros, a lui-même classé l'album 15e dans son top 50. De l'année. C'est-tu un top 10? Un top 50? En tout cas. Et lui de citer, les éléments progressifs s'élèvent plus haut et prennent plus de place dans les compositions du groupe, apportant une certaine modération synthétique trop souvent associée au death metal technique. L'album respire mieux que le précédent et les structures musicales sont beaucoup plus intéressantes. Alors, ça résume pas mal bien ce qu'on peut entendre sur ce nouvel album que j'ai bien apprécié. Alors, on écoute tout de suite une pièce qui s'intitule « Temple of the Art God ». We'll be right back. I like to thank Louis Armstrong, I like to thank Neil Young, I like to thank the Rollins Band, I like to thank Bob Marley, I like to thank the Marx Brothers, I like to thank Salvador Dali, I like to thank Louis Wells. Avant cet indicatif, nous avons eu la formation française Go Rod avec Temple of the Art God, une pièce tirée de l'album A Maze of Recycled Trees. C'est un album le matériel fait un peu penser à The Faceless à l'occasion et même parfois je dirais même Martyr. Ça a paru sur Listenable le 16 octobre dernier. C'était la deuxième position de notre top 30 2015. Alors, il est venu le temps de vous présenter la première position. Cet album de Between the Buried and Me qui s'intitule Coma Ecliptique. Between the Buried and Me a été fondé en 2000 à Winston-Salem, en Caroline du Nord. La formation qui persiste depuis l'album Alaska de 2005. Et Tommy Rogers, chant et clavier. Paul Wagoner, guitariste lead. Dusty Waring, guitariste rythmique. Blake Richardson à la batterie et Dan Briggs à la basse. Bien que Coma Ecliptique occupe la première position cette année, c'est pas le meilleur album de la formation, je dirais, même s'il se classe cinquième dans leur discographie. Selon moi, après Colors, les deux Parallax et The Great Misdirected. C'est pour dire à quel point Between the Buried and Me a toujours réussi à nous offrir du matériel exception avec une formule unique, assez unique de mélange de styles. Ils sont un peu les Dream Theater de la nouvelle génération qui a un penchant pour le metalcore ou le deathcore. Et ça, le metalcore, je le dis vite parce que Between the Buried and Me sont trop sophistiqués à mon avis pour être étiquetés exclusivement à ce genre qui me plaît pas du tout. Preuve que les bases de core sont plutôt écartées par la sophistication et les raffinements progressifs. Il aura pris quelques années seulement pour tourner avec des bands comme August Burns Red ou Every Time I Die ou Walls of Jericho pour se retrouver plus tard à ouvrir pour des bands comme Dream Theater, Cynic et Animals as Leaders. La dernière fois que je les avais vus, c'était au Club Soda en février 2013 avec un expect. Et j'avais été étonné de voir à quel point la salle était pleine à craquer, et même dans la section du haut où on pouvait à peine bouger, et de constater que je ne connaissais personne dans l'assistance, comme si la crowd metal que je suis habitué de voir dans les concerts à Montréal, qui continuait de bouder ce groupe d'exception, qui offre un spectacle de premier niveau, une performance époustouflante et une sonorité parfaite. Autre absurdité, on ne retrouve pas ce groupe de métal progressif sur le site web de référence Metal Archives, alors que des groupes de hard rock comme Alice in Chains ou Skid Row y figurent, même Queensryche. Alors, c'est un Between the Buried and Me légèrement moins heavy, un peu moins sophistiqué et fou que l'on retrouve sur ce Coma Ecliptique, un peu plus aéré, mais tout aussi varié et intelligent. Alors, voici la première position. Coma Ecliptique avec la pièce que j'ai choisie, Famine Wolf. Et c'est le temps déjà de se quitter. Hein. Je vous dis à la semaine prochaine pour plus de musique subversive. N'oubliez pas de consulter la page Facebook ainsi que les balados de diffusion sur SoundCloud et sur hurlemort.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. chauffeur this rotten bone. One